الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Ya Rab, ô Seigneur, ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة. Quand je pense à mes péchés, je les trouve nombreux. Mais quand je regarde la clémence de Dieu, je la trouve plus large que mes péchés. C'est lui, Dieu, qui m'a créé. Et devant lui, je suis un serviteur humble et docile. وَمَا طَمَعِي فِي صَالِحٍ قَدْ عَمِلْتُهُ Mon espoir ne se trouve pas dans une vertu que j'ai accomplie. وَلَكِنَّنِي فِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ Mais tout mon espoir repose dans la clémence de Dieu. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ الْأَمِينُ Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohamed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن أكثر ما يدخل الناس في الجنة. Les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, lui ont posé la question ou l'ont interrogé sur la chose qui fait entrer les gens ou la chose qui fait entrer le plus les gens dans le paradis. قال تقوى الله وحسن الخلق. Il a répondu la piété, la crainte référentielle vis-à-vis de Dieu. Et le bon comportement. On lui a posé la question sur la chose qui fait le plus entrer les gens en enfer. Il a répondu Il a répondu la bouche et le sexe. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi qu'il a qualifié d'authentique. Sayyidi, Abba Zahra, maître, père de Zahra, Fatima Zahra, li fiki ya ard al-Hijaz habibun, aux terres de Hijaz, c'est la péninsule arabique, aux terres de Hijaz, il y a en toi pour moi un bien-aimé, lil-uyuni nourun, qui est pour les yeux une lumière, walil-quloubi tabibun, et qui est pour les cœurs un guérisseur, fil-ard ahmadun, sur terre il est Ahmed. في السماء محمد دون لو سييل الي محمد عند الاله مقرب محبوب اي اوبري دو سينيور الي تري رابروشي اي بيان ايمي سيدي امير الانبياء ماتر امير دي بروفيت صلى الله عليك عدد نجوم السماء que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel ورمال الصحراء au nom des sables du désert وأولاد آدم وحواء au nom de la descendance d'Adam et Ève أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام après ceci mes frères, mes sœurs en islam أحباب الحبيب محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام très cher ou bien-aimé Mohamed al-Mustafa pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. اقتربنا من فصل الصيف. On est tout proche de la saison d'été. وفصل الصيف, la saison d'été, فصل يقل فيه الصلاح والفضيلة, est une saison dans laquelle la vertu devient très très rare. ويكثر فيه الفساد والرذيلة, et dans laquelle, c'est-à-dire cette saison, dans laquelle la corruption et le péché deviennent très très très nombreux. Normalement, في الحقيقة إذا كان فصل فيه الناس يجب أن تتبع الصراط وتخاف وتبتعد من الذنوب هو فصل الصيف لأنه يذكر بجهنم. هذه الحقيقة عند الإنسان العاقل. Normalement, mes frères et mes sœurs, s'il y a une saison dans toute l'année où tous les gens doivent suivre le droit chemin, c'est la saison d'été. Pourquoi ? Parce que ça rappelle l'enfer. Comment je vais désobéir à Dieu pendant une saison qui me rappelle l'enfer ? Mais malheureusement, comme les gens sont devenus insensés, c'est le contraire qui a lieu. C'est la saison d'été cette saison dans laquelle les péchés deviennent ou se comptent par milliards. ولهذا سأحدثكم اليوم عن الصلاح وعن الصالحين. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous parler de la vertu et des vertueux. سنعيش اليوم مع حوار. On va vivre aujourd'hui avec un dialogue. دار بين الأستاذ وتلميذه, qui a eu lieu entre le maître et son élève. بين الشيخ ورفيقه, entre le cheikh et son compagnon. الأستاذ هو شقيق البلخي. Le maître, c'était Shaqiq al-Balakhi, والتلميذ هو حاتم الأصم. Mais l'élève était Atem le sourd. هو ليس أصم, il n'était pas sourd. ولكن كان يتظاهر بأنه أصم. Mais il faisait exprès le sourd. فلقبوه بالأصم, et on l'a surnommé par le sourd. مرة جاءت امرأة تسأله. Une fois, une femme est venue pour lui poser des questions. وخرج من المرأة ريح, et il y a eu un gaz qui s'est échappé de la femme. ففعل كأنه لم يسمع شيء. Il a fait comme s'il n'a rien entendu. فذهبت المرأة وقالت لهم هو أصم. La femme est partie pour dire par la suite il est sourd. فلقب من وقتها بالأصم, et depuis on l'a appelé le sourd. حاتم الأصم. توفي حاتم رحمة الله عليه سنة 137 هجرية في الزمن المبارك في الزمن الذهبي. Il est décédé, que Dieu l'englobe par sa miséricorde, en l'an 237 de l'Hégire, le 9e siècle après Jésus, prière et sage lui, à la période d'or, les trois siècles d'or, les trois siècles bénis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هو من كبار الصالحين في هذه الأمة الإسلامية. Il faisait partie, ou il fait partie, parmi les grands vertueux de la nation, la communauté musulmane. قال حاتم, il dit, ça veut dire Atem, ما من صباح إلا والشيطان يقول لي ثلاث أسئلة. Chaque matin, Satan me pose trois questions. Quand je me lève, il me pose trois questions. ماذا تأكل, de quoi vas-tu te nourrir, que vas-tu manger. ماذا تلبس, que vas-tu porter, quels sont les habits, tu n'as pas d'habits, que vas-tu porter. وأين تسكن, et où vas-tu habiter, ou qu'est-ce que tu vas habiter. الأسئلة التي ضوخت العالم. كل واحد منا يسأل هذه الأسئلة. الرزق واللباس والسكن. Les trois questions principales que chacun de nous se pose. On donne beaucoup d'importance à ces trois choses. Le manger, on peut même voler pour manger. L'habit, je peux même voler pour acheter Nike pour les jeunes. Ou à second. Et l'habitation, je peux même faire l'interdit pour avoir une maison. فأقول له انظروا ماذا يقول حاتم. Regardez ce que Atem répondait pour ces trois questions qui nous préoccupent. فأقول له ماذا تأكل. أقول له آكل الموت. اليوم أموت. Je lui disais, Atem dit, quand il me posait la question que vas-tu manger, je lui disais aujourd'hui je vais me nourrir de la mort. Aujourd'hui je vais mourir. Chaque jour il pensait qu'il allait mourir. Il pensait beaucoup à la mort. Nous qui avons oublié la mort. وألبس الكفن, je vais porter le linceul, pas de problème. وأسكن القبر, et je vais habiter dans la tombe. هكذا كان ينتصر على الشيطان, ainsi il l'emportait fort contre Satan. في كل صباح بالضربة القاضية, chaque matin il mettait KO Satan. سنتعلم اليوم من حاتم. Aujourd'hui nous allons apprendre de la part de Atem. درسا في الأخلاق وفي العمل. Une leçon dans le domaine de la morale et dans le domaine de la pratique. في زمن ضاعت فيه الأخلاق. Dans une période où la morale est devenue absente. Quand tu suis la morale, on dit de toi un fou. وضاعت فيه المعاملات. Dans une époque où la bonne conduite est devenue absente. لقد التهى الناس بالدنيا والنساء والشهوات. Les gens d'aujourd'hui se sont occupés ou préoccupés par la vie ici-bas, les femmes, ou les femmes par les hommes, et les passions et les désirs. Nasu ta'at rabbi al-ibad, ubud anta Allah. Ils ont oublié l'adoration de Dieu. Adore-toi Dieu, laisse-nous tranquilles. Nasu ta'at rabbi al-ibad wa samawat. Ils ont oublié l'adoration du Seigneur de la terre et des cieux. Laqad asbaha an-nasu kulluhum ulama. Tous les gens aujourd'hui sont devenus des savants. ولكن قليل من يعمل بما يعلم. Mais sont peu nombreux ceux qui agissent selon leur savoir, qui mettent en pratique ce qu'ils savent. إذن فبماذا سندخل الجنة؟ Avec quoi allons-nous entrer au paradis donc? بالعلم أم بالعمل؟ Est-ce avec le savoir qu'on a ou est-ce avec la pratique? أقول لكم أيها الإخوة والأخوات, je vous dis mes frères et mes sœurs, إن العلم بدون عمل لا يسمن ولا يغني من جوع. كن أكبر عامل إذا لم تكن تعمل فلا تساوي عند الله شيئا. La science ou le savoir, je parle du savoir islamique religieux, la science sans pratique est insuffisante, nécessaire mais insuffisante. ولا ينفع شيئا, et ne peut être utile. C'est-à-dire la science. وَلَوْ كَانَ يَنْفَعُ شَيْئًا لَنَفَعَ إِبْلِيسَ الَّذِي طَرَدَهُ اللَّهُ مِنْ رَحْمَتِهِ رَغْمَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَكْبَرِ الْعُلَمَاءِ. Et si la science était utile, elle le serait pour Iblis, qui a été chassé de la clémence de Dieu, malgré qu'il faisait partie des grands savants. قال الأستاذ, le maître dit, depuis quand tu es avec moi comme élève ou atem? L'élève atem a donné cette réponse, depuis 33 ans. Ainsi il faisait. Si je trouve un maître qui va me mener tout droit vers le paradis, est-ce que je m'éloigne de lui après un mois? Je passe avec lui un mois, un an, deux ans, 10 ans, ou je reste avec lui ma vie, autant que lui est en vie, parce qu'il me mènera tout droit au paradis. 33 ans, wa huwa ma'a shaykhihi, 33 ans avec son maître. فماذا تعلمت مني في هذه المدة? Qu'as-tu appris chez moi pendant cette longue durée? قال حاتم, Hatem dit, 8 مسائل, 8 points. قال له شيخه, son maître lui dit, إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous appartenons, son cheikh lui dit, nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que sera fait notre retour. ذهب عمري معك, j'ai perdu toute ma vie avec toi. ولم تتعلم إلا 8 مسائل, et tu n'as appris que 8 points. قال حاتم, Hatem dit, Ya Ustad, ô maître, lam ata'allam ghayraha, je n'ai pas appris d'autres. Wa inni la uhibbu an akdhib, et je n'aime pas mentir. Fa qala ash-shaykh, le maître lui dit, hati hathihi at-thamani masail, donne-moi, cite-moi les 8 points. Qala Hatim, Hatim dit, al-oula, le premier, ra'aytu an-nasa fi shakkin min amri ar-rizq, j'ai observé, j'ai trouvé que les gens doutent en ce qui concerne la subsistance. Chacun des gens cherche la nourriture jusqu'au point de s'humilier pour la chercher. Et il utilise même les choses interdites pour avoir le repas. ثم نظرت إلى قوله تعالى, et après j'ai observé le verset coranique, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, il n'est point d'être vivant sur terre, si petit soit-il, dont la subsistance n'incombe à Dieu. فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها, et j'ai compris que je suis je fais partie de ces êtres vivants dont la subsistance est prise en charge par Dieu. فَاشْتَغَلْتُ بِمَا لِلَّهِ تَعَالَ عَلَيَّ et je me suis occupé des droits de Dieu sur moi. وَلَمْ أَشْتَغِلْ وَلَمْ أَشْغَلْ قَلْبِي بِمَا تَكَفَّلَ بِهِ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ et je ne me suis pas occupé des choses que Dieu a pris en charge. فَقَالَ لَهُ شَيْخُهُ son maître lui dit أَحْسَنْتَ يَا حَاتِمْ bravo Hatem. فكلنا نقرا هذه الايه chacun de nous récite ce verset coranique وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent ما اريد منهم من رزق je ne leur demande aucune subsistance وما اريد ان يطعمون je ne leur demande pas de me nourrir ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين c'est Dieu par excellence qui pourvoit à toute subsistance lui le détenteur de la force et le tout puissant كلنا قرأ هذه الآية chacun de nous a récité ou a lu ce verset ولكن قليل منا من يعمل بها mais sont peu nombreux parmi nous qui mettent ce verset en pratique فاشتغلنا بالرزق on s'est préoccupé par la subsistance ou alors min tariqin haram même par le biais d'interdit wa tarakna al-ibada allati min ajliha khalaqana Allah et nous avons abandonné l'adoration pour laquelle Dieu nous a créé Dieu ne nous a pas créé pour chercher la subsistance mais pour l'adoration al-thaniya ça veut pas dire qu'on doit pas chercher la subsistance mais si on la cherche par le halal uniquement dans le domaine du halal al-thaniya Deuxièmement, ra'aytu an-nas, j'ai vu les gens, j'ai observé les gens, kullu wahidin yuhibbu sadiqan, chacun aime un ami. Fa huwa ma'a sadiqihi ila qabri, il est avec son ami jusqu'à la tombe. Fa idha wasala ila al-qabri faraqahu, et lorsqu'il arrive à la tombe, il le quitte, l'ami le quitte. فجعلت صديقي العمل الصالح et j'ai pris des bonnes œuvres un ami فإذا دخلت القبر دخل صديقي معي ليدافع عني comme ça lorsque j'entre dans la tombe mon ami qui est les bonnes œuvres entrera avec moi à ma tombe afin de me défendre فقال له أستاذه أحسنت يا حاتم son maître lui dit bravo Hatem كلنا سمع هذا الحديث chacun de nous a entendu ce hadith قال النبي sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et sage lui dit يَتْبَعُ الْمَيِّتَ تَلَاثَ trois suivent le mort أَهْلُهُ sa famille مَالُهُ sa fortune عَمَلُهُ et son œuvre. فَيَرْجِعُ إِثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدْ deux reviendront et restera auprès de lui un seul يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ sa famille sa fortune reviendront وَيَبْقَى عَمَلُهُ et restera avec lui uniquement son œuvre مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ البخاري ومسلم سمعنا هذا الحديث وَقَلِيلٌ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ nous avons entendu ce hadith mais peu nombreux parmi nous qui le mettent en pratique اتخذنا جميع أنواع الأصدقاء nous avons pris où nous avons noué toutes sortes d'amitiés avec beaucoup de monde. Mais nous avons négligé l'amitié avec les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres qui ne nous quittent jamais, même après la mort. Le troisième point, j'ai observé les gens et j'ai vu que chacun d'eux a un ennemi. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عَدُوِّي هُوَ الَّذِي يَدْفَعُنِي إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ j'ai réfléchi et j'ai trouvé que mon seul ennemi ou mes vrais ennemis sont ceux qui me poussent à désobéir à Dieu. Celui qui me pousse à la désobéissance n'est pas un ami, est un ennemi, même s'il apparaît sous la forme d'un ami. Iblis, Iblis, et la passion, le désir, la vie ici-bas, et l'ego, et moi-même, ma propre personne. Et je les ai pris comme ennemis, ces quatre, Iblis, Satan, la passion, la vie ici-bas, et l'ego. فاتخذتهم أعداء, je les ai pris comme ennemis. لأن الله شهد عليهم بذلك, parce que c'est Dieu qui a témoigné de cela. وتركت عداوة الناس غيرهم, et j'ai abandonné l'inimitié des créatures ou des gens. فقال له أستاذه أحسنت يا حاتم, son maître lui dit bravo au Hatem. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, قال الله لنا في القرآن الكريم, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, في آية, dans un verset, إن الشيطان لكم, تخيل الله يتكلم معنا نحن عباده المؤمنين, imaginez Dieu qui parle avec nous, ses serviteurs croyants. إن الشيطان, إذا كنتم تؤمنون بي أنا الله, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, هكذا يقول الله تعالى وتبارك. Dieu dit Satan est pour vous un ennemi, prenez-le comme ennemi, ça veut dire ne le prenez pas comme ami. وقال تعالى, et Dieu dit dans un autre verset, إن النفس لأمارة بالسوء, l'âme est vraiment instigatrice de mal, mon âme, ton âme demande le mal, mon âme me demande à faire le mal. Est-ce que je suis mon âme? Est-ce que je dois la suivre? Et Dieu me dit qu'elle demande le mal. Si j'ai à combattre quelqu'un, c'est Satan, et après mon âme. Une lutte contre moi-même. وقال الله لنا, et Dieu nous dit, فلا تغرنكم الحياة الدنيا, الدنيا غرارة, الدنيا غضارة, فلا تغرنكم الحياة الدنيا, لا تركنوا إلى الدنيا. Ne soyez surtout point, Dieu dit, ne soyez surtout point séduits par la vie ici-bas. Oh mes serviteurs, moi votre Seigneur Allah vous dit, méfiez-vous de la vie ici-bas, méfiez-vous de la vie ici-bas. وقال لنا كذلك, il nous dit de la même manière dans un autre verset, فلا تتبعوا الهوى, ما تتبعوش الهوى ديالكم, فلا الهوى إله يعبد بجانب الله, اتباع الهوى شرك, تعبد الهوى بجانب الله تصبح مشرك, فلا تتبعوا الهوى, ne suivez pas vos passions. Qui dit ça? Allah تعالى وتبارك, Dieu le Créateur, qui a créé la passion en notre intérieur. Il a créé la passion en notre intérieur et il nous a dit, méfiez-vous, ne suivez pas votre passion. Tels sont les quatre ennemis, les véridiques ennemis. Tandis que l'homme qui se montre injuste à ton égard, yusi'u ilayk, l'homme ou la femme qui te fait mal, yasubbuk, il t'insulte, même devant les gens, fahuwa fi adh-dhahir aduwwun laka, en apparence cet homme qui te fait du mal devant tout le monde, en apparence c'est un ennemi, seulement en apparence, walakin fi al-haqiqa sadiq qabbil yaday, mais en réalité, au fond des choses, c'est un ami. Ton ennemi qui t'insulte, qui te fait du mal, qui te fait du tort, est un grand ami. لِأَنَّهُ يُهْدِيكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ, parce qu'il te fait des cadeaux de ses bonnes actions. أَوْ يَتَحَمَّلْ عَنْكَ مِنْ سَيِّئَاتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, où il va soulever à ta place tes mauvaises actions le jour de la résurrection pour te payer de ce qu'il t'a fait dans ce bas monde. Hal fi habib akthar min alladhi yawm al-qiyamah wa anta waqif amam Allah tabhath an al-hasanat yaqul lak ya sayyidi hadhihi hasanati hadhihi as-salat allati sallayt khudha hadha al-hajj alladhi hajajt huwa lak hadha sadiq تقبل يديه ولكن في الدنيا كنت تراك عدو لأن كان يسبك كان يتكلم فيك كان يضرك كان donc mes frères et mes sœurs, quelqu'un le jour de la résurrection lorsque tu seras devant Dieu et tu auras besoin de bonnes actions, il vient, il te dit, prends mes bonnes actions. Ça, c'est mon pèlerinage. Je te l'offre comme cadeau devant Dieu. Ça, c'est mes prières. Je te les offre devant Dieu. Il s'agit là, dans la vie ici-bas, c'était un ennemi. Mais devant Dieu, il devient un ami parce qu'il doit te payer. Pour te payer, il va te donner de ses bonnes actions. Donc, ce jour-ci où même ton père ne peut pas t'être utile, ton ennemi d'aujourd'hui va être utile pour toi. Donc, en apparence, c'est un ennemi. Mais, en réalité, c'est un ami. Mais le vrai ennemi, c'est Shaytan. Arabia, le quatrième point, Ra'aytunnas. J'ai vu les gens. Ba'duhum, yahqid ala ba'd. J'ai vu, j'ai observé les gens. Les uns ont une grande haine pour les autres. Les uns maudissent les autres. Et la source, l'origine de tout cela réside dans la jalousie. Parce que les uns sont jaloux des autres. Et après, j'ai vu le verset coranique dans lequel Dieu dit Nahnu Allah, Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya, unta malik. Wahad Rabbi a'ta, wahad khalla, unta malik. Rabbi li qasam. Le qadiya jaya min 'ind Allah ta'ala wa tabarak. Wahad a'ta dar, wahad a'ta. واحد اعطاه فيلو واحد اعطاه سياره واحد اعطاه طائره واحد اعطاه يلا سياره هكذا الله فعل هو الذي قسم لماذا انت تحسد هذا على داره لماذا تحسده على سيارته هو اللي جابها الله اللي اعطاه اذا انت كانك تعيب الله بحال لك تقول ودي هذيك القضيه يقول لك ربي الخبز ولا ما على باش الفول ربي يعطيه اللي ما عنده سنان هذا كفر الفول ربي يعطيه اللي ما عنده سنان زي ما كان عندي سنان وربي ما عطانيش الفول وعطاه لهذاك معنى ربي ما كيعرفش اش كيدير انت اللي كتعرف واللي انت ربي احترم مشيئة الله ارضى بقضاء الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وسكت انت قبل القسمة ديال الله C'est nous qui avons réparti, Dieu dit dans un verset, c'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie ici-bas. La répartition est faite par Dieu. Ça veut dire toi, silence, ne parle pas. Ne dis pas pourquoi lui, il a, moi je n'ai pas. C'est Dieu qui a voulu. Tu veux combattre Dieu ? Combat-le. Tu es perdant dès le départ. Fataraktu al-hasad. Et j'ai abandonné la jalousie. واجتنبت الخلق جي ايفيتي لي كرياتور وعلمت ان القسمه من عند الله سبحانه وتعالى اي جي كومبري كو لا ريبارتيسيون اي فيت دو لا بار دو ديو لو تري او فاحببت الناس كلهم ما شاء الله اي جي ايمي توت لي كرياتور ولم ارض لهم الا ما رضيته لنفسي اي جي ني اكسبتي بور لي اوتر كو سو ce que j'ai accepté pour moi-même فقال له استاذه احسنت يا حاتم et son maître lui a dit bravo Hatem ايها الاخوه قال النبي صلى الله عليه وسلم mes frères et mes sœurs le prophète prière et ça lui dit اياكم والحسد méfiez-vous de la jalousie فان الحسد ياكل الحسنات la jalousie dévore les bonnes actions كما تاكل النار الحطب exactement comme le feu qui dévore le bois sec. Rawahu Abu Daoud, rapporté par l'imam Abu Daoud. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, prière et sur lui, La yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhih, ma yuhibbu li nafsi. L'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il aime pour son frère, que lorsqu'elle aime pour sa sœur, que lorsqu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour soi-même. Là, il est vraiment croyant. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Al-Khamisa, le cinquième point. Nadartu ila an-nas, j'ai vu les gens. Subhanallah, il a fait un doctorat. C'est une thèse, masha'Allah. J'ai vu, j'ai observé les gens. كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه. Toute personne qui possède une chose rare, une chose estimable, une chose de valeur, elle la protège, elle la garde, elle la préserve, elle la cache quelque part. ثم نظرت إلى قول الله عز وجل. C'est un philosophe, Athem. Et après, j'ai vu la parole sacrée de Dieu, le verset coranique. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. كل شيء داكشي اللي عندكم غيمشي واللي عند ربي ما يمشيش باقين. Dieu dit, ce que vous avez s'épuise et ce que Dieu a est durable. Tout ce que vous possédez va disparaître. Mais ce que Dieu possède ne disparaît jamais. فَكُلَّمَا وَقَعَ مَعِي شَيْءٌ لَهُ قِيمَةٌ وَمِقْدَارٌ. Chaque fois que j'avais ou j'ai eu quelque chose estimable de valeur, وَجَّهْتُهُ إِلَى اللَّهِ, je la dirigeais vers Allah, لِيَبْقَى عِنْدَهُ مَحْفُوظًا, afin qu'elle reste auprès de Dieu sauvegardée. بِالصَّدَقَة. C'est avec l'aumône qu'on arrive à faire ça. Si tu aimes quelque chose, donne-la en aumône. Tu l'auras toujours auprès de Dieu. Ce que tu dépenses ici, ça part sans jamais revenir. Mais ce que tu donnes comme aumône pour construire une mosquée, pour aider un pauvre, tu la mets pas dans la main du pauvre, mais tu la mets dans la main de Dieu. Sauvegardé à jamais. فقال له أستاذه أحسنت يا حاتم. Son maître lui dit bravo Atem. أيها الإخوة, mes frères et mes sœurs, كم من أغنياء صاروا في قبورهم فقراء. Combien de riches se sont transformés dans leur tombe en pauvres. تركوا أموالهم للورثة. Ils ont abandonné derrière eux leur fortune pour les héritiers. وكم من فقراء صاروا هناك أغنياء. Et combien de pauvres qui sont devenus là-bas dans les tombes des riches. لأنهم وجدوا في قبورهم القليل. وجدوا في قبورهم ما قدموا طول حياتهم. Parce qu'ils ont trouvé là-bas dans leur tombe ce qu'ils ont avancé pour eux-mêmes pendant leur vie. السادسة, le sixième point. نظرت إلى الناس. J'ai observé les gens. كل واحد منهم يعطي عناية كبيرة للمال والجمال والنسب. J'ai vu les gens et j'ai remarqué que chacun d'eux donne une grande importance à la beauté. Ils se prosternent devant la beauté, devant la fortune. Ils se prosternent devant l'idole qui s'appelle la fortune et devant la noblesse, devant la lignée, devant la dignité, les gens dignes, etc. ثم نظرت إلى قول الله تعالى. Et après j'ai vu la parole de Dieu sacré. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش أجملكم, مش أغناكم ولا أنسبكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Les plus nobles, Dieu dit, les plus nobles d'entre vous tous pour Dieu sont les plus pieux, sont les plus craintifs vis-à-vis de Dieu. Ce sont les meilleurs parmi nous. Tu es pieux, tu es meilleur. Tu es beau, mais tu n'as pas la piété. Tu es mauvais. Tu es riche, tu n'as pas la piété. Pour Dieu, tu es mauvais. Tu es le fils de je ne sais pas de quel grand imam. Tu n'as pas la piété, tu vaux rien, tu es mauvais. Fa'amiltu 'ala at-taqwa, j'ai œuvré pour avoir, pour acquérir la piété. Hatta akuna 'inda Allah kariman, afin de devenir auprès de Dieu un noble. Fa qala lahu ustadhuhu ahsanta ya Hatim. Son maître lui dit bravo Atem. Il y a que des bravo, il y a que des 10 sur 10. As-sabi'a, le septième point. Nadartu ila an-nas, j'ai observé les gens. Chacun s'en remet à une autre créature. Chacun compte trop sur une autre créature. Celui-ci, il compte sur sa ferme. Et celui-ci compte trop sur son commerce. Et celui-ci compte trop sur son industrie. Celui-ci compte trop sur sa force de son corps, son énergie, et celui-ci sur son ami, هذا على صديقي وهذا على أبي, celui-ci compte sur son père, وكل مخلوق متوكل على مخلوق مثله, et chaque créature compte trop sur une autre créature comme elle. ثم نظرت إلى قوله تعالى, et après j'ai vu le verset coranique dans lequel Dieu dit ومن يتوكل على الله, Allah أحسن من المخلوقات. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يَكْفِيهِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Celui qui, Dieu dit, celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffit. فَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْخَالِقِ Et je m'en suis remis au créateur, et j'ai laissé de côté les créatures. Son maître lui dit bravo Atem. Le huitième point, j'ai observé les gens, chaque habitant un jour il doit quitter son habitation, il doit quitter sa demeure. Et j'ai compris que la destinée ou que le destin de chacun des habitants, c'est la tombe. Il va habiter par la suite dans la tombe. Et j'ai fait tous mes efforts pour décorer, pour prendre soin, pour embellir la nouvelle demeure et non pas la demeure éphémère. الذي ما وراءه إلا الجنة أو النار. Cette demeure qui ne peut être suivie que par le paradis ou l'enfer. فقال له أستاذه أحسنت يا حاتم. Son maître lui dit bravo. Ô Atem, yakfi kadhalik. Cela te suffit. Ça veut dire les huit points. معنى الثماني مسائل هذه تكفيك في حياتك. ما تبحث عن غيرها. وعمل عليه إلى الموت. Et continue ainsi. Ça veut dire à suivre ces huit points jusqu'à ta mort. فإني نظرت في علوم التوراة والإنجيل. Parce que j'ai lu les sciences qui se trouvent dans la Torah, dans les évangiles, والزبور dans le psautier de David, والفرقان العظيم et les sciences qui se trouvent dans le Saint Coran. فوجدت جميع أنواع الخير والديانة تدور على هذه الثماني مسائل. J'ai trouvé que tout bien, toute religiosité a pour base ces huit points dans les quatre livres sacrés. فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة. Au Atem, celui qui utilise ces huit points aura utilisé les quatre livres sacrés. نسأل الله تعالى وتبارك أن يهدينا وأن يعلمنا. أيها الإخوة والأخوات, في الأسبوع الماضي, la semaine dernière, mes frères et mes sœurs, كنت قد أخذتكم إلى زيارة ليوم القيامة. La dernière semaine, je vous ai pris ou on a fait un voyage ensemble vers le jour de la résurrection. لنرى السبع الذين يظلهم الله في ظله. Pour voir les sept qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. ولكن لم نكمل, mais nous n'avons pas visité les deux derniers. لم نزر السبع الآخرين. الأول كان إمام عادل. Le premier groupe, c'était un imam équitable. الثاني شاب نشأ في عبادة الله. Le deuxième groupe était un jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu et non pas un jeune qui a grandi dans l'adoration de Shaitan. Wallahi, mon frère, n'adore pas Shaitan. N'adore jamais Shaitan et les œuvres sataniques. Adore Dieu. C'est la honte d'adorer Shaitan. Malgré tout ce qu'il va te faire pour te montrer que son chemin est meilleur que le chemin de Dieu. Dis non, le chemin de mon Seigneur est meilleur que le tien. Al-majmou'a al-thalitha, le troisième groupe, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées et non pas au bar ou au vol ou à la drogue. Non. Aux mosquées. Al-majmou'a al-rabi'a, le quatrième groupe, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Deux hommes qui s'aimaient mutuellement pour Dieu, ou deux femmes qui s'aimaient mutuellement pour Dieu. Ils se rencontraient et se séparaient pour lui, uniquement pour Allah, et non pas pour faire l'interdit ou autre chose. Al-majmou'a al-khamisa, le cinquième groupe, rajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin, faqala hadhihi al-qawla al-jamila, inni ya akhafu Allah. Matamminish, wallahi al-mar'a tamut, idha tazayyanat, wa tajammalat, wa kharajat, lituhabbilaka, falam tara ilayha. وقلت لها يا امرأة تعطري أو تزيني فإنك لي كالحائط كأني أنظر إلى حائط ستموت كمدا وتموت غما كيف هذا؟ أنا تزينت وتجملت وله قوة مثل هذه القوة لا ينظر حتى إلي هذه قوة المؤمن Un homme qui a été invité par une femme, qui a un certain pouvoir, une certaine dignité, une grande beauté, et il a dit, non, je crains Allah. Al-Majmou' al-Sadis, le sixième groupe, sur la porte duquel est marqué al-maktubu ala babiha rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, un homme qui a donné une aumône en la cachant jusqu'au point que sa main droite ou sa main gauche ignorait combien sa main droite a dépensé. Yujad fi hadhihi al-majmu'a an-nas alladhina kanu yatasaddaquna sirran. Dans ce groupe se trouvent les gens qui donnaient l'aumône d'une façon discrète, en cachette, pour ne pas blesser le sentiment intérieur du pauvre. Ces gens ne cherchaient pas la publicité. Ces gens ne cherchaient pas la bonne réputation devant les gens. لماذا الإشهار؟ Pourquoi la publicité؟ فالله يعلم كل شيء. Dieu connaît tout ce qui se passe. Connaît toute chose. قال تعالى Dieu dit وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما في خير تفعله في الليل أو في النهار. في أي وقت؟ أمام الناس وحدك إلا ويعلمه الله تعالى وتبارك وما تفعلوا من خير يعلمه الله Tout ce que vous faites combien Dieu le sait أخي أختي إن كنت تعرف إنسانا محتاجا Frère ou sœur dans le cas où tu connais un homme une personne qui est dans le besoin pour une certaine somme لمبلغ من المال فأخذت ذلك المبلغ Si tu prends cette somme ووضعته في ظرف tu la places dans une enveloppe ثم وضعته في صندوق رسائله et après tu la déposes dans sa boîte aux lettres tu sais que ton frère a besoin de 100 euros par exemple personne ne veut lui donner 100 euros entre toi et ton Seigneur tu prends 100 euros par exemple tu la mets dans une enveloppe et tu vas chez lui dans sa boîte aux lettres tu mets l'enveloppe et tu pars لما يجد ذلك المبلغ lorsque cette personne qui se trouve dans le besoin ouvre l'enveloppe, trouve l'enveloppe et ouvre l'enveloppe et trouve la somme. La personne va ressentir une joie sans limite. Elle n'arrivait même pas à dormir ces dernières nuits parce qu'elle est dans le besoin. Et elle ouvre la boîte aux lettres, elle trouve 100 euros, 200, 500, je ne sais pas combien. Frère ou sœur, sois sûr et certain, comme tu as rendu joyeuse cette personne, Dieu va te rendre joyeux dans la vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Après sa joie, cette personne qui a trouvé la somme dans la boîte aux lettres, la personne va vouloir remercier quelqu'un. C'est notre nature. La personne ne trouvera que Dieu, ne trouve personne. L'inconnu a mis 100 euros, je ne peux remercier personne. La personne réfléchit un petit peu, elle ne trouve que Allah avec elle. Et la personne va remercier Dieu. La personne va dire la louange entière est à toi, mon Seigneur. Peut-être ses larmes vont couler de joie. Ainsi tu vas l'aider à remercier Allah. Mais dans le cas où tu lui donnes cette somme dans sa main, il s'agit là aussi d'une aumône, mais peut-être par son ou de, à cause de son excès de joie, il va exagérer à te remercier, anta toi, et il va oublier de remercier le vrai donateur, Allah. Peut-être parce qu'il t'a remercié, il va oublier de remercier Allah. Allah qui t'a utilisé comme moyen pour lui donner. C'est pas toi le donateur, c'est Allah qui est le donateur. Toi, que tu n'es que le facteur de poste. Anta lesta illa sa'i barid. Qala ta'ala. Dieu dit dans un verset coranique: In tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi. Mlih, mzian. Si vous laissez voir les aumônes, cela est très bien. Wa in tukhfuha وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم. Mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est encore bien meilleur pour vous et cela efface vos péchés. والله بما تعملون خبير. Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites. C'est pas la peine de dire: oh, regardez-moi l'humanité qui est là, moi Foulaine, je vais donner 100 euros à ce pauvre. Soyez en témoin, c'est pas la peine. Donne discrètement et Dieu regarde et Dieu voit. Anamorro lil majmoua sabi'a wal akhira al maktoub ala babiha. Maintenant nous allons passer au dernier groupe qui est le septième, sur la porte duquel est marqué al maktoub ala babiha rajulun dhakara Allah khaliyan imra'a ذكرت الله خالية رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا هذا سيدنا. Tel est notre maître. Un homme seul, une femme seule qui évoqua Dieu et ses yeux débordèrent. Il est seul, elle est seule, elle évoque Dieu et après les larmes commencent à jaillir. هذا الذي ينقص المسلمين اليوم. C'est la chose qui manque aux musulmans aujourd'hui. أن تذكر الله في وحدتك. Que tu te rappelles de ton Seigneur lorsque tu es seul. Que tu penses à Allah lorsque tu es seul. فتفيض عيناك بالدم. Et par la suite, tes yeux débordent par les larmes. لا من يراك سواه. Personne ne te voit à part lui. ولا من سيتكلم عما صنعت سواه. Personne ne va parler de ce que tu as fait à part lui. تبكي بينك وبين خالقك. tu pleures cela seul devant ton créateur. Hada huwa akbar al-ibada. Telle est la plus grande adoration. Li'annaha min ghayri riya. Parce qu'il n'y a pas le riya, il n'y a pas la simulation. An tajlisa marra marra wahdak. Que tu prennes place de temps à autre seul. Et tu te rappelles de tes péchés. Tu te rappelles de tes nombreux défauts. Tu te rappelles du jour de la mort. Tu te rappelles du jour où on va ouvrir la tombe et on va te mettre dedans. Tu te rappelles des interrogations de la tombe. Tu te rappelles du jour de la résurrection. La longueur de ce jour, 50 000 ans. Ton arrêt devant Allah, tu te rappelles de cela. Ton arrêt devant Dieu sans traducteur. La précision du jugement de Dieu. La traversée du sirat ila jannah am ila nar, vers un paradis ou vers un enfer. Tatadhakkar kull hada, tu te rappelles de tout cela. Wahdak, tu es seul. Dumu'uk tasil, tes larmes sont en train de descendre. Hadhihi ad-dumu' allati satasqi qalbak, ces larmes qui vont arroser ton cœur. Fayasiru mutma'innan layyinan, par la suite ton cœur deviendra croyant, deviendra tendre et rassuré, comme قال تعالى, comme Dieu le dit, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, c'est avec l'évocation de Dieu que les cœurs se rassurent. Dumu'ul 'ayn, les larmes des yeux, taghsilu dhunubal qalb, lave les larmes des yeux, lave les péchés des cœurs. Dumu'ul 'ayn tuhyil qalb, les larmes des yeux redonnent la vie au cœur mort. Fayumbitul khawfa wal khushu', et de nouveau la crainte, le recueillement pousse sur le sol de ton cœur. Kullama kanat ad-dumu'u kathira, chaque fois que les larmes sont abondantes, kana al-qalbu hayyan wa saliman, le cœur devient vivant, devient sain. Et chaque fois que les larmes sont peu nombreuses, ou les larmes sont absentes, il y aura à la place la sécheresse. Le cœur à ce moment-là devient dur, devient mort. Sur le sol de ce cœur mort, il n'y aura aucune crainte, il n'y aura aucun recueillement qui va pousser. Et comme si les larmes des yeux font éteindre les flammes de l'enfer. Avec le peu de larmes, tu peux éteindre toutes les flammes de l'enfer. بقليل من الدموع ممكن أن تطفئ نار جهنم. قال رجل يا رسول الله. Un homme dit au messager de Dieu, بما أتقي الله, avec quoi pourrais-je me protéger contre les flammes de l'enfer? قال بدموع عيني, qu'il a répondu avec les larmes de tes yeux. فإن عينا بكت من خشية الله لا تمسها النار, parce qu'un œil qui a pleuré par crainte de Dieu ne sera jamais touché par les flammes de l'enfer. Amma ma yaquluhu an-nas al-yawm, mais en ce qui concerne ce que disent les gens aujourd'hui, da'il buka'a lin-nisa, laisse les larmes aux femmes. فهذا خطأ, il s'agit là d'une erreur. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس بكاء, le prophète prière et sa souris était le plus de tous les gens, ou parmi tous les gens le plus qui pleurait. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم, ainsi ses amis. أما نحن فقد بدلنا البكاء بالضحك, nous allons remplacer les larmes par le rire. رغم أن الحديث يقول, malgré que le hadith dit, كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ, l'excès de rire tue le cœur. قَتَلْنَا الْقُلُوبَ بِالضَّحِكِ, nous avons tué les cœurs par le rire. الصَّحَابَ مَعَ كُثْرِ أَعْمَالِهِمْ كَانُوا يَبْكُونَ, les compagnons malgré leurs bonnes œuvres abondantes ils pleuraient. وَنَحْنُ مَعَ قِلَّةِ أَعْمَالِنَا نَضْحَكُ, nous malgré le peu de bonnes œuvres on rit. وَأَتَسَاءَلُ كَيْفَ يَضْحَكُ وَلَا يَبْكِي, et je m'interroge, comment pourra-t-il rire au lieu de pleurer? Man il maut yutaridu, celui qui est poursuivi par la mort, wal qabru yantadiru, et celui qui est attendu par la tombe, wala yadri a ila jannatin am ila narin masiru, et il ne sait pas est-ce vers un enfer ou vers un paradis que sera son destin. هنا تنتهي زيارتنا ليوم القيامة, là prendra fin ou prend fin notre visite du jour de la résurrection. ونعود بسلام إلى هنا, on revient tranquillement vers ici. أخي أختي, frère ou sœur, إننا أمام العطلة الصيفية, on est devant les vacances scolaires d'été. فليحاول كل واحد منا أن يغتنم العطلة, que chacun de nous profite de ses vacances scolaires à venir, et qu'il apprenne une qualité ou plus des sept qualités vues aujourd'hui, qu'on essaie tous d'acheter l'ombre de Dieu avec notre équité, bishababina avec notre jeunesse, bimalina avec notre argent, bikhawfina min rabbina avec notre crainte de notre Seigneur, bidumu'ina et avec nos larmes. Waffaqana Allah jami'an, que Dieu nous aide tous. Wa ila jumu'atin qadima, et à notre vendredi inshaallah. Udhakkir بأن اليوم سنتشرف بالدكتور ساري الرفاعي آت من بعيد من بلد سوريا الحبيب ليخطب بنا صلاة الجمعة ويصلي بنا صلاة الجمعة. Aujourd'hui nous avons l'honneur, le grand honneur d'accueillir le docteur ساري الرفاعي venant de très loin, venant de la Syrie, pour assurer le discours du vendredi et diriger la prière du vendredi. Wa satakun lahu kadhalik muhadara al-yawm ma'a as-sadis wa an-nisf masaan. De la même manière, il va assurer une conférence aujourd'hui dans cette mosquée de, je pense, dans la salle des conférences à 18h30. Muhadara ma'ahu fi as-sadis wa an-nisf, unwan al-muhadara at-tarbiya ar-ruhiyya fi bilad al-gharb, sous le thème suivant, éducation spirituelle en Occident. Wa hadi min ba'd insha Allah. Fataqabbal Allahu min al-jami', subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.